professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. De professeur, n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le démographe américain Douglas Massey, qui a lu Pierre Bourdieu, met-il en œuvre le capital social dans le cadre de son observatoire de la migration mexicaine, s'interroge François Héran. Quelles questions pose la politique de regroupement familial aux États-Unis, pays qui pratique le plus ce type de regroupement? Agrégé de philosophie, longtemps démographe sociologue à l'INSEE et l'INED, François Héran, titulaire de la chaire Migration et Société, se partage désormais entre le Collège de France et la direction de l'Institut Convergence Migration. Dans le cadre de sa nouvelle série « Pourquoi migrer ?», il propose d'interroger les facteurs déterminants des migrations. Depuis la semaine passée, il présente et propose une lecture critique des différentes théories de la migration à partir de la synthèse du rapport Massé dans les années 1990. Douglas Massey a notamment mis en avant la notion à succès de capital social dans ses travaux sur l'immigration. François Héran s'interroge, qu'est-ce que le capital social et quelles questions pose cette notion aux chercheurs des sciences sociales? François Héran a cité l'ouvrage de référence de Sophie Ponthieux, publié sous le titre « Le capital social ». L'économiste sociologue explique dans son introduction, et je la cite, « Depuis le milieu des années 1990, la notion de capital social a fait une percée remarquable dans la littérature académique. D'une poignée d'articles sociologiques dans la décennie 1980, on arrive, une dizaine d'années plus tard, à plusieurs centaines de documents par an, en sociologie, mais aussi en sciences politiques et en économie. Incontestablement, c'est à partir des travaux du politologue Robert Putnam que le concept va connaître sa montée en puissance, particulièrement après la publication en 1995 de son court essai « Bowling Alone, America's Declining Social Capital ». Putnam n'a pas inventé le capital social, mais il y a clairement un avant et un après ce livre. Sophie Ponthieu poursuit. Comment définir le capital social? Ici commencent les soucis. Car si la notion renvoie toujours d'une façon ou d'une autre aux relations sociales et à leurs effets, l'objet capital social est décliné dans des variantes de substance et d'échelle d'une telle ampleur qu'il est impossible d'en donner une définition consensuelle. Certes, l'expression a quelque chose d'immédiatement familier et même de séduisant par l'association du capital qui évoque la richesse économique et du social qui renvoie au moins a priori au non-économique. C'est bien cet axe qui va de l'économique au social et du social à l'économique qui est la colonne vertébrale de ce concept. De fait, les contours du capital social sont largement déterminés par les relations conflictuelles dès la constitution de ces deux disciplines entre la sociologie et l'économie. Enfin, parmi les différentes définitions que Sophie Ponthieu rappelle, je cite celle de Pierre Bourdieu que nous allons retrouver ce matin et qui définit ainsi le capital social. Les diverses sortes de capitaux qu'un individu peut mobiliser du fait de ses relations sociales. Celle du sociologue américain Robert Putnam, le grand croisé de la cause du capital social, se définit ainsi les caractéristiques de l'organisation sociale telles que les réseaux, les normes et la confiance qui facilitent la coordination et la coopération pour un bénéfice mutuel. Alors, qu'est-ce que le capital social appliqué aux théories de la migration ? Nous gagnons tout de suite le cours du Collège de France le 7 février 2019 pour le cours de François Héran, Pourquoi migrer ? Opus 8. Je vais reprendre donc ce cours sur les théories des migrations. Je voulais d'abord, en ouverture de ce cours, vous livrer une référence bibliographique majeure qui traite directement de notre sujet de cette année. Je veux parler de l'anthologie de textes sur la théorie des migrations qui a été publiée il y a quelques années aux éditions de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, par Victor Pichet. J'aurais dû vous en parler il y a quelques leçons déjà. Victor Pichet est l'une des grandes figures de la recherche canadienne sur les migrations, démographe, sociologue. Il a professé la démographie à l'Université de Montréal de 1972 à 2006. Parmi les nombreux étudiants qu'il a formés, par exemple, figure actuellement Chris Beauchemin, le responsable de l'unité Migration internationale et minorité à l'INED. Donc c'est quelqu'un qui a eu un grand rayonnement. Il a pris sa retraite récemment, mais il reste associé à la chaire de droit international de l'université McGill à Montréal, et il est très actif dans le monde associatif. Il tient un blog, et en québécois, blog, ça s'écrit B-L-O-G-U-E, pour la version québécoise, donc, du quotidien Métro. C'est un expert reconnu des migrations en Afrique de l'Ouest, et notamment des migrations circulaires entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, et on lui doit également des enquêtes qui ont été vraiment pionnières sur des enquêtes d'envergure sur l'intégration des immigrés au Québec, des enquêtes longitudinales qui suivent les migrants en les réinterrogeant à intervalles réguliers. Il a également beaucoup écrit sur la question des statistiques ethniques, sur le rôle des droits humains dans les migrations, mais son apport le plus déterminant, me semble-t-il, c'est d'avoir mis en relief le rôle décisif, mais généralement négligé, des migrations temporaires de travail qui permettent à un pays comme le Canada, qui se veut exemplaire sur le chapitre des droits des migrants, qui donc permettent à un pays comme le Canada d'utiliser une main-d'œuvre précaire pour satisfaire la demande persistante des entreprises nationales et multinationales en matière de travail peu qualifié ou non qualifié. Donc il est un des sociologues, art sociologues, avoir insisté aussi sur le rôle de la migration temporaire, y compris dans des pays comme la France, dans les pays européens. Alors, cette présentation faite, Pichet a choisi de réunir dans son recueil les 20 textes fondateurs qui ont, selon lui, donc jalonné la théorie des migrations depuis les années 60, qu'il s'agisse d'articles ou de chapitres d'ouvrages. Il les a répartis en trois sections. En tête, les théories qui nous intéressent cette année, celles qui explorent les facteurs de la migration. Viennent ensuite les théories qui cherchent à savoir, au fond, si les migrants ont atteint leur objectif. Ce qui revient à s'interroger sur les conséquences de la migration et non plus sur les causes. Et puis, en dernier lieu, une section plus limitée traitant des politiques migratoires. Alors, la première section du recueil, celle qui traite des facteurs de la migration, est la plus copieuse. Elle reprend, mais ça, ce n'est pas une surprise, je vous ai dit que c'est un phénomène assez général, elle reprend, grosso modo, la classification des théories dressée en 1993 par Douglas Massey et son comité de l'Union internationale des démographes, une classification que j'ai présentée dans mes premiers cours et dont je vous ai déjà dit combien elle a contribué à structurer la vision que peuvent avoir les sociologues et les démographes sur le sujet. Donc, on retrouve dans l'anthologie de Pichet les textes classiques que j'ai déjà évoqués, de Larry Schostat, 1962, Everett Lee, 1966, Odette Stark, 1985, Saskia Sassen, une des nombreuses versions de Saskia Sassen, 1988, Douglas Massey, 90, tous auteurs donc, dont j'ai eu l'occasion de vous parler, mais aussi Pichet a introduit quelques autres auteurs que j'évoquerai le moment venu. Alors, l'originalité du recueil de Pichet n'est ni dans cette sélection de textes, ni dans le plan suivi. Elle tient d'abord au remarquable chapitre introductif que Pichet a rédigé, qui s'intitule « Les fondements des théories migratoires contemporaines ». C'est un texte lumineux et pénétrant auquel je ne manquerai pas de me référer. Et puis, bien sûr, la nouveauté de ce travail, c'est la traduction. C'est le travail de traduction, le fait que la plupart des textes étaient parus aux États-Unis en langue anglaise, et ils sont donc traduits ici pour la première fois, à quelques exceptions près. Alors, c'est une question que vous êtes certainement posée, et que se pose aussi Pichet. Pourquoi retombe-t-on sur une littérature essentiellement anglophone quand on cherche à identifier les textes fondateurs de la théorie des migrations ? L'unique exception figure à la fin du recueil, c'est un texte de Georges Tapinos sur les migrations clandestines, un des rares textes sur la méthodologie d'analyse et les enjeux d'analyse de la migration clandestine. Tapinos était un démographe économiste installé à la fois à l'INED et à Sciences Po, et qui est mort prématurément en 2000. Alors Pichet est conscient du biais anglo-saxon de ses choix. Il déplore lui-même que les références bibliographiques de la grande revue de l'art dressée par Douglas Massey et son comité aient finalement passé sous silence les études menées en Europe et dans d'autres régions du monde. Par exemple, vous ne verrez pas d'article de la Revue internationale des migrations européennes qui est basée à Poitiers, qui est une des grandes revues européennes sur les migrations. Mais finalement, Pichet fait de même. Et il n'a pas retenu, par exemple, dans son anthologie, un auteur comme Abdelmalek Sayad, qui est considéré assez unanimement en France comme non seulement un pionnier des études empiriques sur l'immigration, mais aussi l'auteur d'une réflexion approfondie sur la logique des migrations et son déroulement. Donc Pichet me pardonnera si je dis qu'il assume ses choix avec un mélange de rouerie et de candeur. Car l'argument qu'il met en avant pour se justifier de son bien anglo-saxon effectue une habile mise en abîme. L'étude des migrations, reconnaît-il, est massivement dominée par la recherche américaine, c'est entendu, mais cette domination se comprend précisément à la lumière de l'une des théories qui est examinée dans le livre, une des principales théories, à savoir la théorie des inégalités entre centre et périphérie dans le système monde. Il ne faut pas s'étonner que les productions scientifiques de la périphérie soient, dit-il, complètement absentes des grandes revues et synthèses, surtout celles produites aux États-Unis. Cette production périphérique existe, reconnaît Pichet, mais elle n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue au centre. Mieux encore, ou pire encore, les auteurs qui écrivent depuis la périphérie ont souvent été formés dans les grandes institutions du centre, mais une fois revenus chez eux, ils se font, dit Pichet, les relais des théories dominantes. Et de fait, nous traduisons les textes américains, alors que les Américains nous traduisent très peu. C'est un phénomène général qui a été bien étudié il y a une dizaine d'années déjà par Gisèle Sapiro dans diverses études d'envergure, dont une a été publiée par le CNRS en 2008 sous le titre « Translatio, le marché de la traduction en France à l'heure de la mondialisation ». C'est un paradoxe donc qui mérite d'être souligné. La critique de la domination états-unienne est une grande spécialité états-unienne, du moins dans le monde universitaire. Et des auteurs mondialement reconnus, comme un Arjun Appadurai ou une Saskia Sassen, sont nés dans des régions périphériques, en l'occurrence Bombay, Buenos Aires, mais sont partis se former au centre, et ce sont les plus riches universités du centre qui ont eu les moyens, mais aussi l'ouverture d'esprit suffisante, de les reconnaître et de leur offrir des postes. Et leur production ne serait pas diffusée à l'échelle mondiale. Je vous ai donné une indication des tirages extraordinaires de Saskia Sassen, par exemple, ne serait pas diffusée à l'échelle mondiale si elle n'était pas publiée par les grands éditeurs universitaires des États-Unis. Et je renvoie à ce sujet à un livre tout à fait intéressant qui vient de paraître, Thomas Brisson, qui a consacré une intéressante monographie à ces quatre figures. Décentrer l'Occident, les intellectuels postcoloniaux, chinois, arabes et indiens, et la critique de la modernité. Donc c'est un ouvrage tout à fait passionnant sur le sujet, avec évidemment tous les points de vue possibles, ceux qui évoquent en quelque sorte une trahison des clercs postcoloniaux, ceux qui au contraire revendiquent et assument ce retournement, l'affaire est quand même assez compliquée. Centre-périphérie, faut toujours se méfier de ces dichotomies simplistes. Ma philosophie personnelle, telle que je l'ai exposée dans la leçon inaugurale, c'est plutôt la philosophie du curseur, ce que Max Weber appelait les transitions flottantes. Et si je devais résumer ma philosophie, elle n'est pas dualiste, mais gradualiste. Les divisions du monde sont fractales, les divisions se subdivisent à leur tour, on sait toujours au centre ou la périphérie de quelqu'un. Paris est très central en France, mais je vous assure qu'à plus vaste échelle, il existe des domaines où Paris est franchement périphérique. Donc la structure des réseaux, même si elle est fortement polarisée sur quelques nœuds, ne peut pas se réduire à une dichotomie centre-périphérie, c'est autrement plus complexe. Et les villes-mondes elles-mêmes, dont parle Saskia Sassen, sont hiérarchisées, sont profondément divisées, enfin voilà. Et puis, nous allons parler maintenant du capital social. Douglas Massé a beaucoup insisté sur le fait que, certes, la migration se développe, des pionniers commencent à quitter le pays et à s'installer dans une direction nouvelle, mais au bout d'un certain temps, ce qu'on appelait en français très couramment dans la littérature de l'exode rural, c'était une notion tout à fait courante, on parlait des filières. Mais Douglas Massé est devenu le théoricien de la chain migration, de la migration en chaîne, qui est exactement ce que les géographes, les spécialistes de géographie humaine en français appelaient les filières migratoires. Et donc c'est l'idée que un migrant en appelle un autre, et qu'il en appelle un troisième, etc., et qu'avec l'institution de ces filières, finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'information circule et surtout, on allège le coût de l'information, on allège le coût de l'insertion, de l'accueil sur place. Et donc, du coup, les premières raisons qu'on avait de migrer évoluent, la perception ou l'estimation des coûts évolue et révisée à la baisse, puisque on est finalement accueilli par des membres de la famille qui sont déjà là précédemment. Mais ce qui est un petit peu étrange et qui, à mon avis, relève, je dirais, d'une surthéorisation, je lâche tout de suite le mot, c'est que Massé appelle ça le capital social. L'idée que, finalement, il y a du capital physique, il y a du capital culturel, etc., il y a du capital humain, mais chacun veut avoir un peu son capital, je dirais. Et Massé va considérablement développer cette notion de capital social. Il ne va pas la développer en réalité. Il va reconnaître qu'elle était déjà élaborée par une série d'auteurs, je vais vous en parler, mais il va systématiquement l'employer. Et par exemple, lorsqu'il fait des enquêtes sur les raisons de partir, les raisons de revenir, les raisons de repartir, chose qu'il a faite à plusieurs reprises, eh bien, il va y avoir des variables de capital social. Par exemple, le fait d'avoir déjà un frère ou une sœur installé aux États-Unis, il va appeler ça capital social spécifique, parce que c'est un capital propre à la migration. Enfin, c'est simplement le lien familial, c'est le fait d'avoir un frère ou une sœur déjà sur place. Et quel est l'avantage d'appeler ça capital social? Quel est au fond, et ça c'est toujours un peu le même problème, pourquoi les sociologues veulent-ils à tout prix économiciser leur vocabulaire? Comme Bourdieu l'a fait, de façon très, très systématique. Donc, Massé distingue un capital social général et un capital social spécifique, spécifique à la migration, propre à la migration. Capital social général, c'est le fait d'avoir une fratrie assez fournie, par exemple, d'avoir des relations, d'avoir des contacts, de ne pas vivre seul. Et puis, le capital social spécifique, propre à la migration, c'est celui d'avoir le fait d'avoir des parents, notamment des membres de sa famille ou des enfants, mais d'avoir déjà sur place des gens qui, donc, du coup, vont vous aider à migrer. Alors, cette migration en chaîne va perpétuer, finalement, le lien migratoire, va frayer des voies qui vont s'auto-reproduire, se perpétuer, et il va développer toute une théorie que je vous expliquerai la prochaine fois, qui est la théorie de la causalité cumulative, mais qui est un peu le développement de ce système-là. Donc, en fait, il s'agit du lien familial. Alors, certains sociologues ou démographes français, comme Daniel Courgeot, G-E-A-U, avaient imaginé la notion d'entourage. L'entourage, en fait, une définition assez particulière, c'est la famille nucléaire à laquelle on appartenait quand on était enfant, et puis elle s'est dispersée, mais on a toujours des liens avec d'autres ménages, mais qui appartenaient autrefois au même ménage, au même foyer parental. Et donc, Sans surprise, cette famille autrefois nucléaire aspire de cette manière à se regrouper. Elle a un lien privilégié. Il y a des liens d'entraide qui peuvent se nouer. Et donc, les Germains se regroupent. Germains, c'est-à-dire frères et sœurs, la fratrie. Si vous voulez. Alors là, il y a quelque chose aussi de très particulier aux États-Unis. Et ça, il faut toujours bien regarder à quel point ces théories d'émigration sont quand même très dépendantes de ce qui se passe aux États-Unis. Il se trouve que les États-Unis ont un système de regroupement familial qui est particulièrement développé. C'est le grand pays mondial du regroupement familial. Je vous l'avais montré sur un graphique, je crois dans la deuxième séance, on voit à l'échelle mondiale que le grand pays du regroupement familial, par les proportions, 2/3 à peu près de regroupement familial dans l'ensemble des titres de séjour, et évidemment par les effectifs vu la taille du pays, 330 millions d'habitants, c'est le grand pays vers lequel peut se diriger la migration familiale, le regroupement familial, qu'elle soit notamment hispanique ou asiatique. En France, nous avons un peu ça aussi. Nous sommes le principal pays du regroupement familial quand on regarde les proportions et les effectifs. Alors que l'Allemagne, par exemple, en a beaucoup moins proportionnellement que nous. Nous avons pris au sérieux le tournant familial de la Registie de 1978, qui est le droit à mener une vie de famille normale qui se traduit par le fait qu'on peut être rejoint par son conjoint ou ses enfants mineurs. Aux États-Unis, ça va même au-delà. On peut être rejoint par des frères et sœurs. Les collatéraux peuvent venir, mais ils sont dans des catégories à part. Il y a tout un système de cercles concentriques. Et vous pouvez, aux États-Unis, rejoindre un frère ou une sœur, mais il faut attendre 10 ans ou 15 ans. Enfin, ça se fait, et il y a toute une partie de regroupement familial. Et très étrangement, et ça a beaucoup étonné les auteurs, c'est ce qu'on appelle le policy gap, le fait qu'il y a un écart, une distance entre les volontés politiques de restriction de l'immigration et la façon dont la politique fonctionne vraiment. À peu près dans tous les pays de démocratie libérale, il y a ce qu'on appelle le policy gap. Il y a un abîme, un écart entre ce que voudraient les opinions publiques, ce que voudraient la plupart des partis politiques, et ce qui se passe en réalité. On accueille beaucoup plus de migrants que ce qu'on souhaite ou que ce qu'on voudrait. Et ça, c'est systématique dans les pays libéraux. Et les États-Unis n'échappent pas à la règle, bien au contraire. Ils l'illustrent de façon exemplaire. Et nous aussi, mais à peu près tous les pays en démocratie libérale. Alors évidemment, c'est un grand phénomène, mais ça, j'en parlerai au moment d'aborder toutes les théories de sciences politiques sur l'émigration. Et en tout cas, une des raisons pour lesquelles on accueille beaucoup plus de migrants que ce qu'on voudrait, c'est qu'on applique des droits, notamment le droit au regroupement familial qui perpétue la migration. Vous êtes un étranger naturalisé, vous êtes d'origine algérienne, vous voulez vous marier, il y a peut-être 1/3 à peu près des jeunes migrants algériens qui se disent « Tiens, ce serait peut-être plus simple pour moi de prendre une fille au pays, d'épouser une fille du pays. » Et ça a été étudié, alors pas tellement, malheureusement, il faudrait le faire, pas tellement pour le Maghreb, mais ça a été beaucoup étudié pour l'Amérique latine. Il existe ce qu'on appelle des courtiers en mariage, les marriage brokers. Il y a même une loi aux États-Unis qui régule les marriage brokers, l'activité des courtiers en mariage. Et en gros, si vous voulez, le système, c'est le suivant. Il est américain d'origine mexicaine, par exemple, ou colombienne. Lui aimerait bien épouser une colombienne docile, traditionnelle. Et elle, qui vit en Colombie, aimerait bien faire un mariage moderne. En fait, c'est ça, la plupart du temps, la configuration qu'on observe. C'est que l'espèce d'annonce matrimoniale organisée par les courtiers en mariage aboutissent à mettre en présence des hommes installés déjà dans le pays qui veulent faire un mariage traditionnel pour avoir une femme docile et des femmes qui veulent faire un mariage moderne pour s'émanciper. On organise la rencontre et là, on s'aperçoit que ça colle pas très bien. Et tout l'art du courtier, ça va être de rapprocher les désirs. Ça va être d'inviter chacun des conjoints à un compromis. Il faut quand même la laisser sortir, il faut qu'elle soit libre. Voilà. Et puis elle, il ne faut quand même pas qu'elle exagère, etc. Ce sont les anthropologues américains qui ont étudié de façon extraordinaire ces rapprochements de conjoints entre des modèles différents. Et évidemment, le fait de retourner au pays alors qu'on est déjà installé, qu'on a même acquis la nationalité, etc., ça représente une espèce de régression en arrière, évidemment, et ça rend difficile l'intégration. Mais il se trouve que souvent, les femmes qui acceptent d'entrer dans ce jeu sont, d'une certaine manière, plus modernes que leurs maris déjà immigrés. Donc, les choses sont complexes. C'est pas simplement une pure régression. Et là encore, il faut analyser, comme certains économistes aussi ont commencé à le faire, toute la négociation entre les conjoints et le bargaining power, comme on dit, le pouvoir de marchandage ou de négociation dont disposent les deux conjoints partant de prémices différentes. Alors, les liens familiaux préexistants, c'est évidemment quelque chose qui contribue à perpétuer les filières migratoires au-delà de ce que l'État voudrait. Et là, l'exemple du Canada est tout à fait intéressant. Au début, dans les années 70, quand le Canada met en place le système à points, le système sélectif, il valorise, il donne des coefficients, les coefficients les plus élevés de loin, au fait d'avoir déjà de la famille sur place, d'avoir des sponsors, d'avoir des parrains. Vous avez toute une série de pays comme ça qui valorisent la migration familiale en faisant le calcul que ben, si on a déjà des parents sur place, on sera plus facilement intégré, d'une certaine manière. Et souvent, d'ailleurs, c'était appuyé sur des recherches sociologiques ou économiques. Les recherches ont nourri les programmes de sélection de points, parce que, d'une certaine manière, les recherches disaient, bah, écoutez, quand on a des parents sur place, on s'intègre plus facilement, le salaire est plus élevé, on est moins souvent au chômage, on arrive plus souvent à devenir propriétaire de ce logement, enfin, tous les critères d'intégration qui sont utilisés habituellement dans ces enquêtes. Et donc, peu à peu, les Canadiens ont modifié les coefficients considérablement du système à points, et à partir des années 90, ont commencé à mettre le paquet sur le capital humain, le niveau d'instruction, le diplôme du supérieur, le fait de maîtriser le français, l'anglais, si on va au Québec, par exemple, etc., les années d'expérience professionnelle. Et là encore, évidemment, ça a changé complètement la donne, mais ça dépendait aussi, c'était également la prise en compte d'un certain nombre d'analyses sociologiques ou économiques sur l'intégration. Donc, l'idée que le capital social familial est un élément essentiel de l'intégration, et quelque chose que les gouvernements ont pris en compte, même s'ils sont maintenant un peu débordés par le phénomène, puisque ça contribue à auto-perpétuer l'immigration. Alors, pourquoi appeler tout ça capital ? Alors, Massey dit s'inspirer de Bourdieu. Et Massey cite Bourdieu, et Massey cite une note, une petite note de 2 pages, qui avait été publiée, je crois, dans le numéro 31, de la recherche en sciences sociales, ça devait être en 78 par là. Et c'est une note assez courte qui ouvre un document, un numéro spécial consacré au capital social. En réalité, quand on lit la note de Bourdieu, les exemples sont presque tous empruntés, je dirais, à la capacité des classes supérieures à établir des relations mondaines. Il y a les rallyes comme source des mariages, les réseaux de grandes écoles qui sont cités. Enfin, si vous regardez tous les exemples dans la note sur le capital social citée par Bourdieu, il y a vraiment l'idée que on a affaire à des groupes fermés, à une élite fermée, et pour qui le souci de la frontière du groupe, veiller à ce qu'il n'y a pas de mésalliance, Bourdieu insiste beaucoup là-dessus, à ce qu'on ne déroge pas, ne pas laisser entrer n'importe qui, etc., est vital. Donc, l'exemple des alumni, des anciens élèves, l'exemple des milieux aristocratiques, du jockey club, etc. Enfin, voilà les exemples que cite Bourdieu de capital social. On est très très loin de l'immigré qui a juste un frère au Mexique et qui a envie de le rejoindre. Et c'est pour ça que la façon dont Douglas Massey s'inspire, dit s'inspirer de la définition bourdieusienne du capital social est vraiment très étrange. Bon, alors ça fait partie des stratégies, si vous voulez, qu'on observe souvent. Vous utilisez un auteur étranger pour vous positionner dans le marché académique local, peu importe vraiment le rapport exact qu'on a avec l'auteur. Donc, capital social est une notion qui anoblit le discours argumentaire, mais le capital social de Douglas Massey n'a pas grand-chose à voir avec le capital de Bourdieu. Bourdieu insiste sur le fait que le capital social est entretenu, qu'il implique une concentration des liens en vue de multiplier leur rendement. Et au fond, pour Bourdieu, le capital social, c'est une anomalie, c'est un détournement. C'est même parfois quelque chose d'un peu maléfique, parce que ça modifie de façon arbitraire les chances qu'on a de se lier les uns aux autres. Ce n'est pas un élément positif du lien social. C'est quelque chose qui est monopolisé par certains groupes. Il y a une forme d'accaparement, d'oligopole, d'oligarchie. C'est d'abord un capital mondain, le capital social de Bourdieu. Il y a aussi quelque chose d'arbitraire, c'est-à-dire que les gens ne s'assemblent pas pour cultiver des liens qui auraient une vertu propre. Je ne sais pas, du genre former une chorale pour le plaisir de chanter ensemble. Ce n'est pas du tout quelque chose qui entre dans le capital social à la Bourdieu. Former un groupe pour le plaisir de jouer ensemble. Former une association pour voyager ensemble. Bon, il peut y avoir des économies d'échelle, mais enfin, c'est pas ça que vise Bourdieu. Unir ses forces pour accomplir des gestes de solidarité. On n'avait jamais ce genre d'exemple cité dans les travaux de Bourdieu sur le capital social, et pourtant ça existe. Ou s'allier pour organiser des trafics de toutes sortes, évidemment. Donc ces formes ordinaires, plus ou moins déviantes, ou tout à fait banales de la sociabilité, ce n'est pas quelque chose qui intéresse Bourdieu. Vous ne verrez pas chez lui d'analyse du capital social qui s'applique à ce genre d'activité. Les acteurs de Bourdieu se regroupent parce qu'ils ont intérêt au regroupement, et ils se démarquent ainsi du commun des mortels pour en tirer des profits de distinction. Et on retombe ici sur le problème de l'arbitraire culturel, qui était l'objet de remarques, évidemment, la sociologie de la culture et l'éducation chez Bourdieu. Elle reste imprégnée de l'idée que les activités culturelles n'ont pas de valeur intrinsèque. Elles valent avant tout par leur pouvoir de démarquage social. Un exemple classique, c'est l'apprentissage des langues anciennes. Dans l'optique de Bourdieu, pourquoi faire du latin ? Faire du latin, c'est utile parce que ça permet de distinguer ceux qui en font de ceux qui n'en font pas. Voilà. Alors, l'intérêt pour le latin ne va donc pas tenir à une évaluation intrinsèque des qualités, des profits du latin, etc., mais au profit social qu'on peut en tirer. Il faut pouvoir placer dans les conversations mondaines le latin qu'on voit. Bon, il y a quand même peut-être une minorité, j'en sais rien, de gens qui s'intéressent au latin pour le latin. Ça peut exister, mais enfin, ou pour ce que ça représente dans la culture, etc. Mais pas chez Bourdieu. Et le grand problème de la théorie du capital social chez Bourdieu, mais j'avais déjà commencé à vous le dire, qu'évidemment, si je vous parle de cet auteur, c'est parce qu'il est fascinant, qu'il y a énormément de choses à en tirer, hein, comme toujours. Mais en même temps, il faut essayer de comprendre d'où vient cette fascination, à quoi elle tient, comment ça fonctionne. Eh bien, quand on est armé d'une théorie qui consiste à voir l'intérêt partout, essayer de le débusquer partout. Vous êtes sûr de dévoiler les stratégies intéressées, vous êtes sûr de dévoiler les stratégies de distinction là où elles existent. Mais, y compris et surtout, et c'est ça qui intéresse Bourdieu, quand elles sont discrètes, quand elles sont inconscientes ou quand elles sont présentes comme des stratégies désintéressées, j'avais déjà évoqué ce problème. Le problème, c'est qu'avec la méthode de Bourdieu, vous trouvez aussi l'intérêt là où il n'existe pas. Donc vous pouvez paraître extraordinairement perspicace et lucide parce que vous êtes arrivé à débusquer l'intérêt là. Tu vois, vous étudiez, je sais pas, les collectionneurs de papillons, ils sont déchirés entre deux visions complètement différentes de la collection des papillons, la vision plutôt esthétique, la vision plutôt scientifique, et vous allez pouvoir analyser le conflit des deux, etc. Voilà. Donc vous pouvez trouver l'intérêt partout, des champs qui sont divisés avec des polarisations terribles, etc. Bon, même chez les collectionneurs de papillons, c'est là que la sociologie est puissante. Mais vous risquez aussi, si vous pensez que l'intérêt mène le monde, voir de l'intérêt là où il n'y en a pas. Et le problème, c'est qu'avoir l'intérêt partout, donc on risque de le voir là où il n'est pas, et la méthode de Bourdieu ne vous donne pas de critères pour savoir à quel cas de figure on a affaire. C'est une des difficultés majeures de la sociologie de l'intérêt pratiquée systématiquement par Bourdieu, c'est qu'elle ne dispose pas d'un critère objectif qui permet de distinguer au sein des pratiques de sociabilité, notamment, celles qui sont réellement gouvernées par l'intérêt de celles qui ne le sont pas. Alors, il y a un autre auteur qui a formidablement développé ou popularisé la notion de capital social, social capital, c'est Robert Putnam, P-U-T-N-A-M, le sociologue de Harvard. Alors là, c'est l'antithèse. Il ignore Bourdieu, Bourdieu l'a ignoré, mais le capital social aux États-Unis, c'est d'abord, avant tout, Robert Putnam. Robert Putnam est l'auteur d'un livre qui a eu un grand succès, qui s'appelle Bowling Alone, faire du bowling tout seul, puisque vous savez, dans les années 50-60, il y a eu une fièvre du bowling dans tous les États-Unis. Chaque petite commune, chaque communauté avait son bowling, etc. Enfin, ça a été raconté maintes fois. Mais à un certain moment, tout ceci a décliné. Et la question, c'est de savoir, mais pourquoi Et Putnam était parti d'un petit article, Le déclin du capital social aux États-Unis, et ensuite il en a fait un livre qui a eu un succès formidable, 25 600 citations. C'est un des livres de sociologie les plus cités dans le monde, hein, Pooling Alone. Et il distingue deux types de capital social. Il y a le capital bonding, qui est un lien plutôt inclusif, un lien qui finalement renferme en quelque sorte la communauté sur elle-même. Et puis il y a le capital social bridging, qui jette des ponts, qui établit des passerelles avec les mondes extérieurs, qui lui évidemment beaucoup plus positif. Mais finalement, chez Putnam, qu'est-ce que c'est que le capital social? C'est presque diamétralement opposé au capital social de Bourdieu. Autant chez Bourdieu, le capital social est un facteur de renforcement des inégalités, largement une source de distorsion, largement arbitraire, pour ne pas dire maléfique, autant le capital social à la Putnam, c'est une source positive de lien social. Il est quasiment synonyme de lien social. Et les gens qui ont du capital social sont sympas, ils sont nice. Putnam le dit, nice is a technical term, c'est un terme technique, ils sont plus généreux, ils donnent davantage de leur temps, etc., etc. Par exemple, les gens qui ont un capital social vraiment sympathique, c'est ceux qui participent à une communauté religieuse, pas refermée sur elle-même, une communauté religieuse qui fait du bridging plutôt que du bonding. Bon. Et ils montrent par des enquêtes, tout à fait avérées, que les gens qui ont du capital social sont plus généreux que les autres, plus ouverts. Et du coup, une société en bon état de marche, une société qui est riche en capital social. Capital social au sens de Putnam. Et il en était si convaincu qu'il avait créé une association pour le développement du capital social aux États-Unis. Vous n'imaginez pas Bourdieu, par exemple, créer une association pour développer le capital social en France. Hein ? Développer le capital social contre la bonté d'individualisme. C'était ce thème-là chez Bourdieu. Et donc, c'est illustré dans son fameux essai. Alors, je vous conseille un livre, si vous voulez savoir beaucoup de choses sur la notion de capital social, celui de Sophie Ponthieux, P-O-N-T-H-I-E-U-X, qui officie à l'INSEE actuellement. Elle a écrit à découverte un petit repère qui s'intitule « Le capital social » et qui parcourt toutes ces théorisations du capital social. En fait, il arrive au capital social la même chose qu'au concept de l'anomie. Philippe Bénard, autrefois, dans les années 70, avait écrit un grand livre qui montrait comment le concept d'anomie, né d'abord chez Durkheim, puis abandonné par Durkheim, s'était ensuite retrouvé dans la psychologie un peu partout. Et chaque fois qu'il y avait du désordre, un manque de lien social, c'était de l'anomie, tout était anomique. Et à la fin, la notion était devenue purement décorative. Eh bien, le capital social, c'est l'envers de l'anomie. C'est le fait qu'au contraire, les gens ont du lien social. Et aujourd'hui, le capital social est devenu une notion extrêmement fluide et qui est donc beaucoup utilisée dans la sociologie des migrations. Et voilà. J'ai des relations mondaines, j'ai des relations. Je connais la baronne du Maine, son fils Absalon. Je vais les voir chez eux une fois par semaine dans leur vieux salon où tout un gratin d'émène se promène en large et en long. J'y côtoie des gens illustres, membres de l'Institut. Rassemblés autour d'un lustre, ils me disent « tu ». Par un jeu savant de miroirs et de glace dans leurs beaux atours, on les voit de profil, de dos et de face croquant des petits fours. Vous connaissez tous Pilâtre, l'acteur du français. Il m'a dit hier soir, le théâtre, moi, je l'ai assez. Le Collège de France et France Culture vous présente le démographe sociologue François Héran, sa série « Pourquoi migrer ?» Vous êtes le premier, grâce aux relations, mondaines, grâce aux relations. Je donne des lettres par centaines de recommandations. Ainsi ma filleule du Finistère, la petite Fanny, travaille à présent au ministère des travaux finis. Alors, nous allons entrer maintenant dans la théorie du capital social. Je vous avais déjà signalé que Massé, dans la petite synthèse que j'avais évoquée, qui date de 98, une des dernières qu'il a faites sur le sujet, finalement s'attardait le plus longuement sur cette théorie-là, la théorie du capital social, à laquelle Massé se réfère, à laquelle il adhère très fortement. Il en fait grand usage pour décrire non seulement les avantages que les candidats à la migration tirent de leur contact à l'étranger quand ils évaluent l'opportunité d'un départ, l'opportunité d'un retour ou d'un nouveau départ, mais aussi, au-delà des décisions individuelles, la stratégie du groupe qui conduit à, finalement à alimenter, à perpétuer à frais réduits la migration. Et l'importance que Massey accorde à la théorie du capital social donc, est telle qu'il en a fait l'une des six grandes théories des migrations. Mais qu'est-ce que le capital social ? Et d'où vient cette notion ? Alors, Sophie Ponthieu, qui travaille actuellement à l'INSEE sur les inégalités, a rédigé il y a quelques années déjà un petit ouvrage sur la question qui fait référence, qui est vraiment excellent. Elle retrace avec finesse les avatars de la notion de capital social depuis les années 60, en s'attardant sur les trois sociologues qui ont chacun leur manière, et vraiment leur manière, défendu et illustré la notion. Il y a James Coleman, alors là je vous donne le plan de l'ouvrage de Ponthieu, qui est significatif. James Coleman, les contours flous du capital social. James Coleman était un collègue de Gary Becker à l'Université de Chicago, il est décédé maintenant. Robert Putnam, professeur à Harvard, auteur de plusieurs best-sellers sur le déclin du capital social aux États-Unis et sur la nécessité de le réactiver, la croisade du capital social, c'est un titre bien trouvé. Et puis Pierre Bourdieu, que nul n'a besoin de présenter dans ses murs, et dont la vision du capital social est tout autre. Par la suite, les chercheurs en santé publique, les chercheurs en économie de la santé, en sociologie de la santé, ont abondamment utilisé la notion de capital social pour montrer ou rappeler qu'on était en meilleure santé quand on était bien entouré et qu'on savait à qui s'adresser quand on était malade. Puis l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, qui a son siège à Paris, sous l'influence tout à fait explicite de Putnam, s'est entiché du concept de capital social. Le capital humain du capital social est devenu l'esprit de coopération, un autre nom finalement du lien social et de la confiance, un facteur planétaire de bien-être, à condition de faire couple avec le capital humain. Voilà la publication phare de l'OCDE sur le sujet, le bien-être des nations, le rôle du capital humain et du capital social. Alors je précise qu'elle n'émane pas de la branche migration de l'OCDE, hein, mais de la branche éducation. Et l'image de couverture est grandiose. Hein. La planète est une boule lumineuse, portée par une dizaine de mains qui coopèrent à son bien-être. Alors ce n'est pas un rond-point, mais c'est quand même circulaire. Et si vous avez l'esprit mal tourné, vous objecterez que cette image met en avant l'hémisphère ouest de la planète. Toutes les mains sont tendues vers l'Amérique du Nord. Bon, c'est une petite fraction de l'humanité, mais c'est normal, si vous voulez. D'abord, il faut quand même qu'on fasse un peu tourner les hémisphères. Nous sommes polarisés par l'hémisphère est. Et puis, c'est quand même la zone du monde la plus riche en capital humain et en capital social. Et puis, reconnaissez quand même que, vu le point de vue adopté, c'est assez équilibré. Hein. Vous avez une main sur la côte est, une main sur la côte ouest, donc c'est bien équilibré. Le Mexique est quand même bien calé. Ça doit empêcher que le reste de l'Amérique latine ne remonte au nord. Donc, que demander de plus, hein ? Alors, inutile de vous représenter l'Europe, elle vous est déjà familière. Quant à l'Afrique et à l'Asie, elles appartiennent à la face cachée de la Terre. Et la face cachée des corps célestes est bien connue désormais, c'est l'affaire des Chinois, c'est la spécialité des Chinois, qui ne font pas partie de l'OCDE. Donc, esprit de coopération, bien-être des nations, certes, mais enfin, l'inconscient graphique ne peut s'empêcher de nous rappeler que, en dépit de la poussée des pays émergents, le monde a bel et bien un centre, et que tout le reste est périphérie. Et ce jour-là, le service de communication de l'OCDE a vraiment fait très fort. Alors, c'était, me direz-vous, au début des années 2000, et depuis lors, la branche éducation-formation de l'OCDE a-t-elle continué à s'intéresser au sujet ? Eh bien, oui, elle a persévéré. Et une note de 2013, par exemple, revient sur les différentes définitions du capital social pour en proposer diverses mesures. Elle explique que quand même, tout ça, c'est assez hétéroclite. Et si on veut calculer des indicateurs de capital humain pour étalonner les pays en fonction de leur richesse en capital humain, il faudrait quand même distinguer un petit peu les différentes composantes. Et donc, ces composantes sont distinguées. Il y a les relations interpersonnelles, la qualité des liens sociaux, l'engagement civique, la confiance et les normes de coopération. Et là, vous reconnaîtrez un certain nombre de sujets qui sont chers aux économistes actuellement, qui essaient d'introduire ce genre de considération dans leur questionnaire. Alors, ils proposent dans ce texte de mener des enquêtes comportant des questions sur la confiance qu'on peut avoir envers des inconnus, par exemple. Et l'idée sous-jacente, c'est que en développant le capital humain dans nos sociétés, eh bien, on pourrait accroître le bien-être des populations à moindre frais. Nos systèmes de protection sociale, alors c'est un sous-thème, ont un coût prohibitif et on pourrait peut-être les remplacer avantageusement par des initiatives individuelles, un esprit de coopération et d'assistance mutuelle, un peu plus d'altruisme, de sollicitude, des associations assurant le care à la place des professionnels rétribués par l'État. Bon, je simplifie à grands traits, mais je frise la caricature. Mais il y a quand même beaucoup de cela dans la promotion libérale du capital social. La notion est devenue synonyme finalement de lien social. Elle est mesurée par des indicateurs de sociabilité, des indicateurs de valeur altruiste, alors qu'à l'origine elle reposait sur des notions beaucoup plus restrictives, beaucoup plus fortes, comme l'accumulation stratégique d'un capital de relations, ce qui n'est pas la même chose, ou un système d'engagement mutuel. J'ai commencé à vous le dire, le destin de la notion de capital, dans sa variante française comme dans sa variante anglaise, social capital, évoque un peu celui de la notion d'anomie dans les années 30 à 70, auquel Philippe Bénard avait consacré un grand livre en 87. Et l'anomie, c'est un peu le revers du capital social. Au début, il y a un usage précis chez quelques spécialistes, c'était Durkheim qui avait inventé l'anomie. Et puis, un engouement se propage à d'autres disciplines. La notion est mise ensuite à toutes les sauces. Elle obtient un succès mondial. Et c'est la phase d'inflation évoquée par Sophie Ponthieu dans son livre. Le concept perd en compréhension ce qu'il gagne en extension. Son usage relâché réduit sa pertinence scientifique. C'est la rançon du succès. Et on entre alors dans la phase terminale du cycle. Le concept se banalise, se démotive, il finit par se diluer dans les discours courants. Et bref, pour parler comme Jacques Brel, les concepts, c'est périssable. Ou plutôt, c'est fongible comme des bonbons, ça meurt d'être consommé, et mieux vaut les consommer avec modération. Alors les propos critiques que je tiens ici sont extrêmement modérés, hein, parce que le succès mondial du capital social a suscité des réactions critiques autrement plus virulentes, comme celle, par exemple, de Ben Fine, qui est un économiste à la SOAS. La SOAS, c'est l'école des études orientales et africaines, c'est l'équivalent de Lanzhou à Londres. Et Ben Fine a écrit un brûlot expliquant, et c'est bien montré sur la couverture, que la théorie du capital social, ça a introduit un chaos innommable dans la répartition des tâches entre les disciplines. C'est du grand n'importe quoi, c'est un peu ça l'argument de ce pamphlet. Et vous voyez le sous-titre, je ne sais pas si vous le voyez, mais « Researcher behaving badly ». C'est très moralisant, il fustige le mauvais comportement des chercheurs. On a tout mélangé, y compris dans les organisations internationales comme l'OCDE ou la Banque mondiale, autre grande adepte de la théorie du capital social. Et Fine est économiste. Alors il a ulcéré finalement de voir « social » accolé à « capital ». Social, c'est de la sociologie, capital, c'est de l'économie. Et donc l'idée qu'on pourrait en quelque sorte effacer la frontière entre les deux disciplines, avec pour effet finalement plutôt la dilution de l'économie dans la sociologie que l'inverse. C'est un peu ça l'argument de Fine. C'est faire comme si on pouvait fusionner. L'expression même de social capital semble prétendre qu'on peut fusionner économie et sociologie, ou que l'économie elle seule ne suffirait pas à décrire les phénomènes qu'on prétend décrire ici. Alors évidemment, cette division des disciplines, c'est un enjeu très fort, hein, c'est une question existentielle pour pas mal de chercheurs. Moi, je ne vais pas dans cette direction-là. Je pense qu'on peut, se livrer à une analyse critique de ces concepts attrape-tout, tout en jugeant quand même opportun les efforts pour transcender certaines barrières disciplinaires. Essayons de suivre plus précisément la fortune du concept de capital social au fil des décennies dans la production écrite de langue anglaise et de langue française. On dispose pour cela d'un outil de dégrossissage qui est intéressant, que j'ai eu l'occasion d'utiliser l'an dernier dans mon cours sur le vocabulaire de la migration. C'est la base de données Ngram Viewer, qui est construite à partir des millions d'ouvrages scannés par Google, ouvrages publiés du XVIIe siècle à nos jours, dans plusieurs corpus, anglais-britannique, anglais-américain, français, allemand, espagnol, italien, russe, chinois et hébreu. C'est un outil absolument extraordinaire qui est libre d'accès et qui vous permet, en quelques secondes, de tracer le graphique de la fréquence relative des expressions de 1 jusqu'à 5 mots, qui est tout à fait excellent. Et dans le cas de la France, c'est vraiment bon à partir de 1730, ce qui permet d'inclure tout le vocabulaire, tout le remaniement fantastique du vocabulaire politique et social par la Révolution française. La Révolution française a évidemment été l'occasion d'une grande fabrication de néologismes, de nouveaux termes. Ne serait-ce que le mot « révolution » pris dans un sens nouveau. Alors, il se trouve que j'ai fait une utilisation rapide de Ngram Viewer dans un bulletin de 4 pages, mais dans la deuxième référence, vous trouverez une introduction générale beaucoup plus développée sur le fonctionnement de l'outil, ce qu'on peut en attendre, ce qu'on ne peut pas en attendre, et j'examine également les critiques dont il a été l'objet, et j'essaie d'y répondre quand c'est possible. Donc, qu'est-ce que ça inclut comme base de données? Bien, ce sont des millions d'ouvrages incluant les thèses, les essais, les romans, les dictionnaires, la littérature grise, je sais pas, tous les rapports de l'armée sur la guerre de 14, par exemple, sont là. Mais il n'y a ni la presse quotidienne, trop difficile à scanner, hein, ce serait très compliqué, ni la presse scientifique spécialisée. Donc en fait, ça mesure d'une certaine manière la popularité du vocabulaire, des expressions, dans une littérature générale, mais c'est extraordinairement précis. Il ne faut pas me questionner trop longuement là-dessus, je pourrais passer des heures sur cet outil. Donc, c'est une base d'accès libre. Les courbes sont annuelles, mais il est possible de les lisser à volonté, parce que souvent, une courbe simplement annuelle est très chahutée, et on peut avoir des tendances simplement en modifiant le lissage. Alors, que voit-on dans le corpus anglophone? Parce que l'intérêt aussi, c'est qu'on peut interroger des corpus de plusieurs langues, et même simultanément dans cette base. Dans le corpus anglophone, vous voyez que Social Capital a vraiment pris son essor, a décollé dans la première moitié des années 90. Alors, ça correspond à quoi les chiffres à la verticale? Ce sont des proportions pour un million. En lexicographie, les fréquences sont extrêmement faibles puisque ça consiste à regarder la fréquence des mots sur l'ensemble de tout le vocabulaire publié dans l'année sur tous les sujets possibles et imaginables. Donc ne faites pas attention à l'échelle, ce qui est intéressant, ce qui compte, c'est l'évolution. Et un jalon de cette évolution, c'est l'article fondateur que Robert Putnam a publié en 1995, Bowling Alone, faire du bowling tout seul, America's Declining Social Capital, donc le capital social en déclin de l'Amérique. 50 000 citations à ce jour sur Google Scholar pour cet article. C'est énorme. L'article n'a pas vraiment déclenché l'engouement du public, puisqu'il date de 1995, et vous voyez qu'il a plutôt surfé, comme on dit aujourd'hui, sur une popularité qui commençait déjà à se développer, mais qui a contribué à relancer puissamment. En l'an 2000, donc alors que la popularité de Social Capital dans la littérature de langue anglaise était déjà parfaitement assurée, il a tiré de son article un ouvrage à succès, « The Collapse and Revival of American Community », donc l'effondrement et la renaissance de la communauté américaine. Alors, toujours le même problème, comment traduire « community » en français? Il n'y a pas d'équivalent, c'est la commune, c'est la paroisse, c'est la région, c'est le groupe d'amis, c'est le groupe ethnique, enfin c'est toutes ces choses-là. Hein. Il est impossible de traduire ce terme directement en français, « communauté » est beaucoup trop vague. Mais vous voyez que quand il lance son ouvrage en 2000, eh bien, l'expression s'était déjà largement répandue. Alors, après l'essor fulgurant des années 95-2005, la popularité de Social Capital commence à stagner, comme s'il atteignait la saturation. Et malheureusement, on ne peut pas suivre l'évolution au-delà de 2008, lorsque la base d'Ingram Viewer s'arrête en 2008. Une actualisation a été promise depuis un certain temps, elle n'est toujours pas venue, j'en suis désolé. Si l'on passe maintenant au corpus francophone, alors là, il y a une surprise et il va falloir l'expliquer. Bon, d'abord, on voit que dans les années 90, Capital Social suit une évolution parallèle à Social Capital, donc la popularité socio-économique, sociologique ou économique du terme est manifestement là, mais on voit qu'elle s'élève très au-dessus de la courbe anglaise. Et que dans les décennies précédentes, depuis les années 50 au moins, Capital Social est bien plus utilisé en français que Social Capital en anglais. Pour quelle raison? Eh bien, vous le comprendrez aisément, en élargissant, et ça, Ingram Viewer permet de le faire en un quart de seconde, en élargissant le champ de vision, vous pouvez décider de remonter, par exemple, au début du 19e siècle. Vous pouvez en complément effectuer des recherches sur Google Books pour essayer de comprendre à quoi correspondent les ouvrages ou les références de cette période. Et là, bien vous comprenez qu'en fait, la réponse est simple. Capital social, en français, c'est d'abord, et depuis la Restauration, depuis la monarchie de Juillet, c'est une expression du droit des affaires, du droit des sociétés. Le capital social, c'est le capital de départ d'une société qui est formée des apports en numéraire, des apports en nature, de plusieurs partenaires, de plusieurs sociétaires qui veulent répartir les risques en s'associant. Donc la société en question, ce n'est pas la société des sociologues, c'est la bonne vieille societas romaine du droit romain, c'est le concours de quelques parties prenantes qui décide de partager les risques, donc en réunissant un capital commun. Et socius, en latin classique, je rappelle, c'est l'allié, c'est le partenaire. La guerre sociale, c'était la guerre de Rome contre ses alliés. Le mot en français, il a disparu. En roumain, soț, c'est le conjoint. C'est le mot normal pour le conjoint, par exemple. Donc socius a donné des sens très variés. Donc la courbe tracée par Ingram Viewer dans le corpus francophone additionne évidemment, deux acceptions de l'expression capital social, une acception juridique fort ancienne qui correspond à une lame de fond et une acception sociologique plus récente qui agite la vague en surface. Et là, ce sont les sociologues qui ont sévi. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le cours du démographe sociologue François Héran, sa série « Pourquoi migrer ?». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de François Héran. Il a notamment publié « Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir » aux éditions La Découverte en 2017. Et sa leçon inaugurale « Migration et société » a été publiée chez Fayard en 2018. Iconographie et site web Claire Poinsignon et Marion Barsac. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de François Héran son interrogation des théories de la migration. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.